بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد الله دي dans le Coran يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salat du jour du vendredi, accourez à l'évocation d'Allah et laissez tout commerce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Puis quand la salat est achevée, dispersez-vous sur la terre et recherchez la grâce d'Allah et évoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Quand ils entrevoient quelque commerce ou quelque divertissement, ils s'y dispersent et te laissent debout. Dis, ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce, et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Les imams al-Bukhari et Muslim rapportent dans leur Sahih la cause de la révélation de ce dernier verset de la sourate al-Jumu'ah, d'après le compagnon Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, qui dit « Lorsque nous étions en train de prier avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il vint alors une caravane transportant de la nourriture. Ils accoururent, c'est-à-dire les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ne laisser avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'une douzaine de personnes. Le verset descendit alors وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا Quand ils entrevoient quelque commerce ou quelque divertissement, ils s'y dispersent et te laissent debout. Ya ikhwan, il y a dans ce verset un grand enseignement, c'est que le serviteur d'Allah ne doit pas s'écarter de l'adoration d'Allah ou lui désobéir, et ce dans le but de rechercher son rizq, c'est-à-dire sa subsistance. En effet, Allah a éduqué ici les compagnons de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ce fait. Et malgré que le serviteur d'Allah peut ressentir un quelconque besoin d'une chose de cette dunya, même si cette chose est à l'origine permise, ceci ne doit en aucun cas le faire désobéir à Allah et qu'il sache avec certitude qu'Allah est le meilleur des pourvoyeurs. C'est pour cela qu'il a fini le verset par sa parole « Wallahu khayru raziqin ». Aussi, ya akhi, tu dois savoir que ton rizq, ta subsistance, a déjà été écrite, et cela avant ta naissance, comme dans le hadith que rapporte l'imam al-Bukhari à l'imam muslim, d'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُقُ فِيهِ الرُّوحِ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتِ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌ أَوْ سَعِيدٌ » L'ange est ensuite envoyé, il souffle à leur âme et est ordonné d'écrire quatre choses, d'écrire son rizq, sa fin, ses œuvres, et s'il sera parmi les tristes ou les heureux. Et tu dois savoir aussi qu'Allah ne t'a créé que pour que tu l'adores, comme il dit « وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » et je ne crée les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ne te détourne donc pas de son adoration, sinon tu le regretterais et serais perdu. Mais au contraire, livre-toi à son adoration comme il te l'a ordonné, et ne te laisse surtout pas distraire de cela dans le but de rechercher une chose de cette dunya, et ce, jusqu'à en tomber dans la désobéissance. Et même si le fait de rechercher de la subsistance fait partie des choses permises que la personne est parfois contrainte de faire, il ne lui est évidemment tout de même pas permis d'en délaisser pour autant la taqwa d'Allah Azza wa Jal. Et que le serviteur d'Allah sache que parmi les meilleures causes pour obtenir sa subsistance, c'est la taqwa, c'est-à-dire la crainte d'Allah Azza wa Jal et le fait de mettre en pratique sa religion, son din. Allah dit en effet وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Et si les gens des cités avaient cru et craint, c'est-à-dire craint Allah Azza wa Jal, nous leur aurions alors ouvert des bénédictions du ciel et de la terre. Et il dit Azza wa Jal concernant les gens du livre وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. Et s'ils avaient mis en pratique ce qu'il y a dans la Torah et dans l'Évangile, et ce qui leur fut descendu de la part de leur Seigneur, ils auraient alors joui de ce qui est au-dessus d'eux, ainsi de ce qui est sous leurs pieds, c'est-à-dire de la baraka, de la bénédiction, du ciel et de la terre. Et parmi les causes de l'isq, qui fait partie de la taqwa, al-istighfar, ya ikhwan, la demande de pardon à Allah. Allah dit dans le Coran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَرَارًا وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Je leur ai alors dit, demandez pardon à votre Seigneur, il est certes grand pardonneur, il vous enverra alors du ciel des pluies abondantes, et il vous accordera beaucoup d'enfants, et vous donnera des jardins, et vous donnera des rivières. Et parmi les causes de risque, faisant aussi partie de la taqwa, as-salah, la prière. Allah dit dans le Coran sur At-Taha, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Et ordonne à ta famille de faire la salat et fais-la avec persévérance. Nous ne demandons pas de risque, c'est nous qui te donnons le risque et la fin heureuse est réservée à la piété. Et le salaf, Bakr ibn Abdillah al-Muzani, lorsqu'une pauvreté extrême touchait sa famille, il leur disait قُومُوا فَصَلُّوا, levez-vous et priez. Puis il disait ensuite بِهَادَا أَمَنَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, c'est cela que nous a ordonné Allah et son messager. Et il lisait ce verset de la sourate Taha. Et parmi les causes de risque faisant aussi partie de la taqwa, as-sadaqat, les aumônes. Allah dit en effet وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace et c'est lui le meilleur des donateurs. Et dans les recueils authentiques des imams al-Bukhari et Muslim, d'après Asma bint Abi Bakr, radiyallahu anhuma, qui dit « Je dis, ô messager d'Allah, je n'ai aucun bien excepté ce que m'a donné Az-Zubayr, c'est-à-dire comme dot. Et ce que je donne tout de même des sadaqat, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Tasaddaqi wa la tu'i fa yu'i Allahu alayk » Donne des sadaqat et ne retiens pas, c'est-à-dire ne retiens pas cet argent jusqu'à ne pas en donner. Allah retiendrait alors son risque. Et d'après le compagnon Abu Huraira, dans le Sahih de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma naqasat sadaqatun min mal » Une sadaqa n'amoindrit pas l'argent de celui qui la donne. Et Allah dit dans le hadith Qudsi « Yamna Adam anfiq unfiq alayk »« Ô fils de Adam, dépense dans le bien, je dépenserai alors pour toi. » Et parmi les causes de risque faisant également partie de la taqwa, « Al-hijratu fi sabilillah » L'immigration dans le sentier d'Allah. Allah dit à cet égard, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدَ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera alors sur terre maintes refuges et abondances. Et bien sûr, les œuvres de taqwa sont bien plus nombreuses que celles que je viens de citer. Ya akhi, il faut aussi que tu saches qu'il ne fait pas partie du husn dhan billahi azza wa jal, c'est-à-dire de la bonne opinion sur Allah, le fait que son serviteur pense qu'il va l'abandonner s'il se voue à son adoration. Ya akhi, combien de nos frères tombent dans des péchés dans le but d'acquérir leur subsistance? Tu en vois certains qui travaillent dans des sociétés qui les obligent à mentir, surtout dans le domaine du commerce. Tu en vois d'autres qui travaillent avec des femmes, c'est-à-dire dans la mixité. Tu en vois aussi qui coupent leur barbe et portent le pantalon dans certains métiers particuliers. Il y en a même qui délaissent les 5 prières obligatoires à la mosquée et n'assistent même pas au khutbah du Jumu'a, sans même parler de celui qui retarde ses prières jusqu'à les faire sortir de leur temps. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et si tu leur dis, délaisse ce travail, car ce n'est pas permis pour celui qui croit en Allah et au jour dernier. Ils disent, je n'ai rien trouvé d'autre. Ou d'autres disent encore, qui va me donner de quoi vivre si je le délaisse? Tu vois que leurs paroles ressemblent à celles des mécréants quand ils disent « Ma subsistance ne va pas tomber du ciel ». Ya akhi fillah, n'as-tu pas entendu la parole d'Allah ?« Wa fis sama irizqukum wa ma tu'adun » Il y a dans le ciel votre subsistance et ce que vous a été promis. Est-ce que tu crois que ton Seigneur, qui est Al-Karim, le généreux, il va t'abandonner si tu lui obéis, alors qu'il a dit dans le hadith Qudsi, « Ida taqarraba ilayya abdi, dira'an taqarrabtu ilayhi, ou ida taqarraba ilayya abdi, shibran taqarrabtu ilayhi dira'an, ou ida taqarrabtu minhu dira'an taqarrabtu, ou ida taqarraba minni dira'an taqarrabtu minhu ba'a, ou ida atani mashyan, ataytuhu harwara. » C'est-à-dire qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah a dit dans le hadith Qudsi, « Lorsque mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche alors de lui d'une coudée. Et lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche alors de lui d'une brasse. Et lorsqu'il vient à moi en marchant, je viens alors à lui en me hâtant. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira. Et l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, rapporte un hadith authentique que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Innaka lam tada'a shay'an ittiqa'an lillahi azza wa jal, illa a'taka Allahu khayran minh. » Tu ne délaisseras jamais une chose par crainte d'Allah sans qu'Allah ne te la remplace par quelque chose de meilleur. Ce qu'il faut que tu retiennes, Yahri, c'est qu'il ne faut surtout pas que tu te laisses tromper par les wasawis du shaitan, les insufflations du shaitan. Car le shaitan se soucie de ton cas et il veut que tu rentres en enfer avec lui. Il va donc essayer de te faire peur et il va te recommander de désobéir à Allah Azza wa Jal. Comme Allah l'a mentionné dans le Coran, « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء » Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Le shaitan vous fait craindre la pauvreté et vous recommande de commettre les mauvaises actions, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. Et bien sûr, dans la nature de l'être humain, il y a le fait d'aimer cette dunya, comme Allah dit dans le Coran, Al-haakumu takathur hatta zurtumul maqabir. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان. Si le fils de Adam avait une rivière d'or, il aimerait alors en avoir deux. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Certes, Akhi, la dunya est une fitna, comme nous l'a averti le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. Certes, il y a une fitna pour chaque communauté, et la fitna de ma communauté, c'est l'argent. Rapporté par At-Tirmidhi d'après Ka'd ibn Ayyad. Et sachez, Akhi, qu'Allah, il va t'éprouver par cette dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet égard, « Inna dunya hulwatun khadira, wa inna allaha mustakhrifukum fiha, fayandura kayfa ta'amaloun, fattaqu'd-dunya, wattaqu'd-nisa, fa inna awala fidnati bani Israël, kanat fin-nisa. » La dunya est agréable et verdoyante, et Allah vous fait succéder les uns les autres. Et regarde comment vous œuvrez. Craignez donc cette dunya et craignez les femmes, car la première des fitnas par laquelle fut éprouvée les fils d'Israël fut les femmes, rapporté par Muslim d'après Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu. Celui donc qui a été influencé par cette dunya jusqu'à en désobéir à son Seigneur, il est alors tombé dans la perdition. Comme Allah dit dans le Coran, « Ya ayyuhalladina amanu, la turhikum amwalukum, wa la awladukum an dhikrillah. » وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Ô vous qui avez cru que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah, et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Et à Akhi fillah, il faut que tu saches aussi que le musulman doit se satisfaire de ce qu'Allah lui donne dans cette dunya, et il ne doit rechercher dans cette dunya que ce dont il a réellement besoin. Alors que le but ultime, bien sûr, ce n'est que le fait d'adorer Allah Azza wa Jal. Celui donc qui a trouvé cette satisfaction et ce contentement, il a alors réussi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Qad aflaha man aslama, wa ruziqa kafafa, wa qana'ahu Allahu bima ata » A certainement réussi celui qui est entré en islam, a été pourvu suffisamment, et lequel Allah lui a donné entière satisfaction de ce qu'il lui a donné, rapporté par Muslim, d'après Abdallah ibn Amr. Et celui qui a délaissé la taqwa d'Allah azza wa jal pour la dunya, ne trouvera pas dans cette dunya cette satisfaction qu'il recherche. Et il ne cessera de ressentir la pauvreté. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man kanat ad-dunya ghammahu farraqa Allahu alayhi amrah wa ja'ala faqrahu bayna aynayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah. وما كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وتدخل الدنيا وهي راغمة. Celui dont la dunya est son principal intérêt, Allah le rendra occupé par de nombreuses affaires, et il placera la pauvreté devant ses yeux, et il ne lui parviendra de cette dunya que ce qu'Allah lui a prescrit. Et celui dont Al-Akhira est son intention, Allah lui facilitera cette affaire, et il placera la richesse dans son cœur, et la dunya lui parviendra quoi qu'il en soit. Rapporté par Ibn Majah, d'après Zayd ibn Thabit, et c'est un hadith authentique. Et Allah dit dans le Coran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Le serviteur d'Allah doit donc l'adorer comme il lui a ordonné, en faisant les choses qui lui a été imposées et en délaissant ses interdits. Et il ne doit pas se laisser distraire de son adoration pour une chose de la dunya. Et s'il le faisait, il regretterait alors de toute façon, il se verrait parmi les gens pauvres. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit dans un hadith qudsi, يَقُولُ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ قَلْبَكَ غِنًى وَامْرَأْ يَدَيْكَ رِزْقًا يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَبَاعَدْ مِنِّي فَأَمْلَأْ قَلْبَكَ فَقْرًا وَأَمْلَكَ يَدَيْكَ شُغْلًا. C'est-à-dire qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, ô fils de Adam, livre-toi pleinement à mon adoration. Je comblerai dans ton cœur de richesse, je comblerai ton cœur de richesse et tes mains de subsistance, de risque. Ô fils de Adam, ne t'éloigne pas de moi, sinon je mettrai dans ton cœur la pauvreté et je comblerai tes mains d'occupation. Rapporté par Al-Hakim, d'après Marqil ibn Yassar. Et pour finir, ya Ikhwan, sachez que la suprématie qu'avaient les musulmans sur les mécréants lors des époques qui nous ont précédés ne vit sa fin que lorsqu'ils se sont livrés à cette dunya jusqu'à en délaisser leur dîme. Et le messager d'Allah nous en avait déjà informé il y a maintenant 14 siècles, sallallahu alayhi wa sallam, comme dans sa parole, يوشيكو الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله من في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا. C'est-à-dire qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, peu ne s'en faut pour que des communautés, que les communautés se jettent sur vous de la façon que les mangeurs se jettent sur l'écuelle. Quelqu'un dit alors, est-ce à cause de notre faible nombre ce jour-là? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, au contraire, vous serez ce jour-là nombreux, mais vous serez des débris, comme l'écume du torrent. Et certes, Allah enlèvera du cœur de vos ennemis la crainte et le respect qu'ils avaient envers vous, et Allah mettra dans vos cœurs la faiblesse. Quelqu'un dit alors, ô messager d'Allah, et qu'est-ce que cette faiblesse? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'amour pour cette dunya et la peur de la mort. Rapporté par Abu Dawud, d'après Thauban, et le hadith est authentique. Et ce hadith fut expliqué ainsi que le remède de cette maladie par la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, lorsqu'il dit, إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذان البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. C'est-à-dire qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous pratiquerez العينة, العينة c'est un genre de vente à terme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, et que vous prendrez la queue des vaches, c'est-à-dire que vous serez distrait par l'élevage des vaches et des animaux, et que vous satisferez de l'agriculture, et que vous délaisserez le djihad, Allah vous infligera alors une humiliation qu'il n'enlèvera de vous que lorsque vous reviendrez à votre dîme. Rapporté par Abu Daoud, d'après Ibn Omar. Et le poète a dit vrai lorsqu'il dit « Inna lillahi ibadan futana, tallaqu dunya wa khafu al-fitana, nadaru fiha falamma alimu, annaha laysat lihayin watana, ja'aluha lujjatan wattakhadu, salih al-a'mali fiha sufana. » Certes, Allah a des serviteurs intelligents. Ils ont rejeté la dunya et ont craint les fitaines. Ils ont regardé dedans, c'est-à-dire dans cette dunya, et lorsqu'ils ont réalisé qu'elle n'est pas pour un vivant une bonne demeure, ils l'ont alors prise pour un océan et ont adopté dans celui-ci les œuvres pieuses comme étant des radeaux. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Je crois que j'ai découvert.